Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près ? Je ne sais pas, peut-être 15, 20 euros ? Bon, regardez, on peut faire un bouquet rouge et blanc, c'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Ça dépend de la personne. C'est pour offrir ? Oui, c'est pour ma grand-mère. Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouges. Vous croyez ? Oui, vous allez voir. Votre grand-mère va être très contente. D'accord.